Bienvenue à Méloman sur les ondes du 99.1 et 88.9 CFNJ-FM ou encore en direct sur CFNJ.net de partout dans le monde. Mathieu Lajoie au micro en ce mercredi 24 février 2021. Très content de vous retrouver ce soir, comme toujours. J'espère que tout le monde a passé une belle semaine. Je vous invite en passant, comme à chaque fois, à partager le groupe Facebook Méloman. Commentez, partagez-nous vos memes, vos chansons préférées, votre contenu musical en tout genre. Ici, c'est pas déjà fait, mon Dieu. Adhérez au groupe au plus vite, c'est une belle communauté de fans de musique en tout genre, tout simplement. Donc, si vous aimez l'émission, ça me ferait bien plaisir que vous la fassiez connaître en masse. Parce qu'en plus, on approche à grands pas d'un beau gros chiffron de 1000 membres. On fera une émission spéciale pour souligner l'événement aussi. Si on se rend là, évidemment, on va se rendre là bientôt. Et pour ce qui est de ce soir, de la variété en masse, complètement différente de la semaine passée, on était plutôt dans un varié slash hommage à Chick Corea. Et on le sait, le jazz, il y en a beaucoup qui aiment, mais c'est pas la tasse de thé de tout le monde, on se le cachera pas. Mais bref, ce soir, c'est complètement autre chose. Mais je vous le dis particulièrement ce soir, on reste assis sur le bout de nos sièges. Fiez-vous surtout pas à un bloc plus qu'un autre pour vous faire une idée, parce que ça tire vraiment dans toutes les directions et vous pourriez manquer de belles découvertes. Parce que, vous le savez, on sait jamais trop ce qui va arriver. Et c'est comme ça qu'on aime ça. C'est comme ça qu'on aime ça. À Méloman, au 99.1 et 88.9 CFNJ. Which makes us blessed and makes for stormy weather. Don't end.

au 99.1 et 88.9 CFNJ. C'est Mélomanes avec Mathieu Lajoie. King Tudamus, Robert Nelson, sans bizarre, c'est bien réel. Qu'est-ce que tu fais là-bas, Dave? Voler à un œuf, c'est pas voler. Si tu l'as donné au bœuf, du gars à qui tu l'as pas volé. Dorothée, prépare-toi, on s'en va dorloter. Comme tu le faisais à l'ancienne. Ta robe avec un trou, parce qu'il est taché dans le shed. Parqué dans la grève, 12 frères et sœurs, toutes tes filles. Pousse le trailer comme tu pousses tes chenilles. Sous ta motoneige, pêche, j'pas obèse, j'pèse 150 livres, j'en ai juste lu deux. J'suis en train de mentir, moi les lire plus vieux. Quand j'aurai 30 ans, c'est moi qui sens mais non c'est pas de l'encens. Pis bébé si tu m'aimes, fais-moi donc des enfants. Deux par année, avant il était propre, pas toujours nul. Canapé, qu'est-ce que tu vas faire avec ton karaté? Hein? Robert Nelson, avec Maganil, grand. Toujours ben direct, sort de l'ordre. Mon boy t'as choucla, pis jamais du shit. Fallait du business, fait que j'ai parti point. Comme, va dans là-dessus, tu vas te coucher moins. Con, touche à mon par-dessus, tu vas goûter mon gun. J'ai envie de dessiner, dis-moi ça où t'es bonbonne. Pis laisse-moi décider si tu veux pas un coup de botte de trombone. Moi j't'écroute sans bonne jusqu'à mercredi prochain. Plein petit pépin dans mes légumes. Y'a rien dans tes écumes. Tu manges rien que des brunes. Oui j'fume des brindilles vertes. Pour t'en ai rien que des brunes. So dis-moi donc, qu'est-ce que tu fais là-bas, Dave? Voler à un œuf, c'est pas voler. Si tu l'as donné au bœuf, du gars à qui tu l'as pas volé. Qu'est-ce que tu fais là-bas, Dave? Voler à un œuf, c'est pas voler. Si tu l'as donné au bœuf, du gars à qui tu l'as même pas volé. Ben ouais. my backyard, boy, looking super fine in your car. So, roll the windows down. C'est à Mélomane que ça se passe ce soir, sur les ondes de CFNJ 99.1, 88.9, comme à tous les mercredis soirs, de retour d'un bloc assez touffu, merci, mais qui laisse nullement présager ce qui va suivre à l'émission. Toutes sortes de choses ce soir, vraiment, vraiment beaucoup. Et une deuxième partie de bloc ici où on est allé de trucs passablement plus récents. À preuve, on était en 2020 pour ce qu'on vient tout juste d'entendre. Demande spéciale de Sheila Gagnon, à qui on souhaite un joyeux anniversaire ce soir et pour qui on a fait tourner Claire Rosencrantz, une jeune autrice-compositrice californienne d'à peine 16 ans, qui compose depuis qu'elle a 8 ans, imaginez, et qui s'est beaucoup fait connaître dernièrement grâce à des plateformes comme TikTok, pandémie oblige, et ce, beaucoup grâce à sa chanson qu'on a entendue ici, Backyard Boy, qu'on a entendue, nous, juste après un duo indie/indie-folk canadien du nom de Human Highway, de Toronto, pour être plus précis, fondé par Jim Guthrie et Nicholas Thorburn, qui eux-mêmes ont aussi fait partie du groupe Islands de Montréal, né des cendres de la défunte formation des Unicorns, toujours de Montréal. Il y en a peut-être qui se rappellent des Unicorns. Je me souviens quand un de leurs albums était sorti. J'étais disquaire à ce moment-là. Mais bref, une longue lignée de groupes indépendants qui sont tous liés les uns aux autres et qui viennent de pas trop loin à part de ça. Mais nous, c'est Human Highway qu'on a entendu en 2008 avec la très belle Moody Motorcycle qui suivait la très décousue, mais le très décousu plutôt, mais haut en couleur, Robert Nelson, qui, lui, pour Monsieur et Madame Tout-le-Monde, nous provient du collectif À la claire ensemble, Robert Nelson alias Ogden, qu'on a entendu ici, par contre, en version solo, mais en compagnie de Kitradamus alias Kitradana alias Louis Kevin Célestin, DJ producteur pour le gros beat fat de Dorothée en 2012, qu'on a entendu juste après. Qui d'autre que Daft Punk, duo électronique légendaire français, qui ont annoncé à des légions de leurs fans, pas plus tard qu'il y a deux jours, qui se séparaient après une bonne run, comme on dit, de 28 ans de carrière et quelques dizaines de gros hits planétaires plus tard. Ils vont certainement avoir marqué beaucoup la musique électro slash disco house, funk techno, synth pop, name it. Tout le monde les a déjà entendus quelque part. Ils ont été omniprésents dans les radios de la mi-90 jusqu'à aujourd'hui. Par contre, il y a peut-être un peu moins de gens qui savent qu'ils ont commencé dans le début des années 90 sous la forme d'un groupe indie du nom de Darlin, d'après la chanson des Beach Boys du même nom, de l'album Wild Honey 68, si je me trompe pas. Donc, c'est certainement des gars qui avaient les oreilles grandes ouvertes et un sens musical très efficace. Mais savez-vous quoi? Je suis comme pas inquiet qu'on va réentendre parler d'eux éventuellement sous une forme ou une autre. Ils sont quand même pas si vieux que ça. Reste qu'ils ont mis fin à leur carrière d'une façon assez spectaculaire cette semaine, complètement à leur image. Vous irez voir la vidéo épilogue sur YouTube si vous l'avez pas vue. Tout un chant du cygne. Et donc, nous, pour souligner la chose ce soir en bon mélomane, ben on y a été tout simplement d'un de leurs tout premiers gros hits Da Funk de 1995, qui suivait, pourquoi pas, commencer la soirée un peu de façon bizarre, mais c'est pas grave, je l'assume. Le Velvet Underground en personne, Lou Reed et compagnie en 1967. Album avec Nico, chanteuse allemande, avec leur ode sado-maso complètement décalé, Venus and Furs, surtout si on considère qu'on est en plein été de l'amour à ce moment-là, Flower Power et compagnie, mais les Velvet, ça a toujours été ça, ça fait partie de leur charme. Et cette chanson en particulier m'a toujours donné l'impression d'avoir inspiré celle qu'on a entendue juste avant. C'est une spéculation bien personnelle, j'ai pas lu ça nulle part, mais la chanson d'avant, c'était Pure Morning, premier gros hit pour le groupe britannique Placebo en 1998. Mais c'est pas tout ça, parce que je le sais, je me répète, mais je n'aurai de cesse de vous le dire à ce soir. C'est complètement différent d'un bloc à l'autre cette semaine, parce que c'est comme ça des fois. Mélomane, 99 ans et 88,9 ans, CFNJ. Under the Milky Way tonight,

99.1 et 88.9 CFNJ. C'est Mélomane avec Mathieu Lajoie. Yeah. reality is this. All of the danger you've discovered. What kind of comedy is this? How can you say now you're frightened? You labeled me in 40 tries, and in case you didn't realize, I was the landscape in your dream, and all my mountains were on fire. Labyrinth is this that we're constructing through talking. What kind of labyrinth is this that sends you laughing without smiling? It brings a sad little surprise, and in case you didn't realize, while you were calculating tears, my head expired. Qui cesse au courant de la nuit, 10 cm total qui tomberont. Minimum de moins 10 à moins 5. Alternance de soleil de nuages jeudi. Température entre moins 10 et moins 5 pour tous les secteurs. Vendredi, c'est du soleil qui de retour, moins 4 degrés. Et samedi, neige ou pluie. Maximum plus chaud, 0 à 3 degrés. CFNJ 99.1. Et toujours à Mélomane ce soir, de retour d'un autre segment musical, que dis-je, un monolithe qui s'est amorcé tranquillement plus tôt dans les années 80 pour voyager lentement dans les années 90 et se terminer dans les années 2000 avec une formation que j'affectionne particulièrement, dont on a déjà parlé à l'émission. Je pense que la dernière fois qu'on les a entendus, c'était lors du tout premier Mélomane Unplugged, le 16 septembre dernier. Vous n'avez pas entendu ça? Groupe Mélomane, il y a des liens vers ça. Et on les avait entendus en version acoustique, parce que c'est un groupe un peu comme à l'émission. On ne sait jamais trop à quoi s'attendre. Donc, si vous dites « Non, celle-là, c'était pas trop mon genre », ben vous allez peut-être aimer d'autres choses qu'ils ont fait. Tout comme peut-être que celle-là, vous l'aimez beaucoup. Ils ont fait des choses complètement différentes. Bref. Mais là, c'est quand ils ont commencé à s'aventurer plus vers des saveurs électro, entre autres avec l'excellent album Sunlandic Twins en 2005, qu'on les a entendus. Of Montreal, mené de main de maître par l'hyper productif et hyper imaginatif Kevin Barnes, qui vient pas du tout de Montréal, mais de Athens, dans l'état de la Géorgie, Athènes. Donc, pas du tout en Grèce non plus. Mais, peu importe la provenance, Of Montreal, c'est définitivement un groupe à découvrir. Si vous commencez, vous allez avoir énormément de matériel, comme je vous dis, à vous mettre sous la dent. Jamais tout à fait pareil d'un album à l'autre. Ça a beaucoup changé au fil du temps. On parle des débuts lo-fi, super mélodiques du temps, d'un collectif de groupes assez psychédéliques des années 90 qui s'appelait Elephant Six. Très intéressant, soit dit en passant. Vous en avez déjà là pour longtemps à fouiller. Et tout ça jusqu'à aujourd'hui. D'ailleurs, je me dis qu'il faudrait que je me mette à jour un peu dans leur discographie parce que j'ai vu qu'ils ont sorti quelque chose déjà en 2021. Mais nous, on les a entendus, grosso modo, à peu près à mi-chemin de carrière en 2005 avec la très envoûtante et très imagée « I was a landscape in your dream » qu'on a entendu juste après une drôle de bébite québécoise dont on semble malheureusement un peu moins entendre parler ces temps-ci, mais qui a émergé justement à peu près dans ces années-là, 2005-2006. On a entendu une avec confit très particulier, assez décousu, peut-être pas pour tout le monde, mais souvent très mélodique. On l'a entendu avec la pièce Aujourd'hui, aux inspirations grunge un peu, et mine de rien, une mesure assistant, nommément un 6-4, chose qui est plutôt rare en musique pop, mais pas tant que ça dans le monde du grunge, surtout si on considère que Soundgarden, des pionniers en la matière, qui avaient souvent l'habitude de faire des chansons avec des mesures un peu plus rares comme du 5-4, du 6-4, du 7-4. D'ailleurs, ils font encore ça dernièrement pour ceux qui s'intéressent, Kim Thayil et Matt Cameron, respectivement anciens guitaristes et batteurs de Soundgarden, ont participé à une chanson du groupe The Pretty Reckless, et on voit instantanément leur signature, et c'est pas en 4-4 du tout. Donc, ça pouvait être chose assez courante, assez commune dans le grunge, Soundgarden, Alice in Chains, et aussi Jean-Philippe Frichette, ici, au sein de son groupe N'avait Confit, qu'on a entendu juste après, parlant des années 90, les Smashing Pumpkins en tout début de carrière avec Rhinoceros en 1991, Rhinocéros. Quand on pense aux Smashing Pumpkins, on a souvent en tête les albums Siam's Dream ou bien sûr l'album double, le fameux album double Melancholy and Infinite Sadness. Mais il ne faudrait pas oublier l'excellent album Gish de 1991, justement. C'est un album qui est rafraîchissant parce que souvent, on l'a peut-être moins entendu et qui sait, ça pourrait vous réconcilier avec le groupe si jamais vous étiez un peu tanné d'entendre les mêmes chansons, les mêmes sempiternels hits. Donc, Gish, allez voir, vraiment un album un peu parfois oublié, mais vraiment intéressant. Et sinon, ben un début de bloc pas mal plus années 80. Une pièce complètement à part parce qu'on tirait un peu plus vers le rock progressif. Et c'est tout à fait normal parce qu'on était avec Genesis en 1980, avec Behind the Lines, pièce d'ouverture d'un très bon album du nom de Duke, qui est, selon plusieurs, un des derniers à justement avoir encore certains relents de prog, parce qu'on ne se le cachera pas, il y a quand même une grosse différence entre le Genesis époque Phil Collins au chant, parce qu'avant ça, il était quand même à la batterie, et l'époque Peter Gabriel, ben, les années 80, vont tirer plus vers le pop, et ce, même si c'était souvent du très bon pop super efficace. Bref, vous savez de quoi je parle. Pour les fans de Genesis, vous savez ce que je veux dire, ça a toujours été plus ou moins un sujet de débat, mais reste que le groupe va toujours revenir à des moments un peu plus prog sur chacun de leurs albums, et je pense que Duke est définitivement un album à redécouvrir. Et juste avant ça, ben on était en 1988, avec le groupe australien The Church, et certainement une de leurs chansons, leur meilleure chanson, non seulement la plus connue, mais aussi une des plus envoûtantes chansons qui s'appelle Under the Milky Way, de laquelle certains disent qu'elle aurait probablement beaucoup inspiré Love Song du monumental album Disintegration du groupe The Cure en 1989. Et c'est vrai qu'il y a quelques similitudes. Et parlant justement de The Cure, ben c'est eux qu'on a entendu juste avant, bien sûr, non pas en 89, mais en 87. Tiré de l'album double Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me, on a entendu Robert Smith, qui encore une fois nous montre qu'il peut créer une chanson pop parfaite, même si c'est construit d'une façon très peu conventionnelle. Super longue intro à la The Cure, pas de refrain vraiment à proprement dit, mais complètement catchy. On a entendu « Just Like Heaven », Robert Smith, qui, j'ajouterais, est un des rares à avoir une crédibilité indie autant que pop. Comme quoi, ça se peut être populaire, mais aussi original. Donc, il y a de l'espoir pour les jeunes artistes.

am old but still a child. All dead, all dead, but I sure don't leave. In time it comes to everyone. All dead, all dead, but in hope I leave. Of course I don't believe you're dead. Quiet silent seconds I turned off the light switch and I came down to meet you in the half light the moon left while a cluster of nightjars sang some songs out of tune. A mantle of bright light shone down from a room, come down in time. I still hear her say, so clear in my ear, like it was today. Come down in time was the message she gave. Come down in time. Should have heard her as yet, but a true love like hers is a hard love to get. And I walk most all the way, and I ain't heard her call, and I'm getting to thinking if she's coming at all. See, so clear in my ear, like it was today. Come down in time was the message she gave. Some hold you tight while some leave you counting the stars in the night. Au 99.1 et 88.9 CFNJ, c'est Mélomanes avec Mathieu Lajoie. Yeah. pudeur, les coyotes, les critiques. so darling, I miss you so hard. Miss you so hard. Now miss come back, baby, and don't break my heart. He goes. And now I'm alone, lying down, looking up at the stars. We live in the times we shared when the moon, the stars, and the music was ours. Been way too long. The house of leaf and lime. Someone saw me walk to the house of leaf and lime. Tout en douceur, cette fois-ci, toujours bien sûr à Méloman sur les ondes de CFNJ 99.1-88.9. Le tout qui s'est terminé avec une formation qui s'appelle The High Llamas et qui œuvre dans un sous-genre qu'on va parfois appeler du pop de chambre, ce qui fait référence aux grands arrangements luxuriants popularisé par des gens comme Brian Wilson et Burt Bacharach, par exemple, qui vont beaucoup populariser ce genre-là dans les années 60, pour pas dire inventer le genre carrément. Il y a des mauvaises langues qui diront que c'est de la musique d'ascenseur, mais quand on porte attention, il y a beaucoup de choses à se mettre sous la dent musicalement dans ces arrangements-là. Un genre qu'on va aussi appeler parfois le baroque pop ou même le baroque and roll. Donc, un genre dont vont beaucoup s'inspirer les High Llamas qu'on a entendu en 2003 avec Leaf and Lime. Et ce genre-là, ben, qui l'a amené à son apex? On l'a nommé, on vient juste le nommer, Brian Wilson, savant fou derrière les Beach Boys, qu'on a entendu juste avant dans une sorte de suite d'expérimentation, originalement destinée au fameux album historique Smile de 1967, plus grand album de l'histoire du rock à jamais être sorti, mais finalement sorti. Bref, longue histoire dont on a souvent parlé à l'émission. Ce qui est sûr, c'est qu'on a entendu ce soir les multiples variations sur un même thème de Can't Wait Too Long, enregistré en 1967, chose à qui suivait l'autre monsieur dont on parlait à l'instant, inspiration de Brian Wilson, l'arrangeur et compositeur exceptionnel Burt Bacharach, à qui on est plus que dû de faire un spécial à Méloman. On pourrait presque faire ça la semaine prochaine, quitte à réentendre ce qu'on a entendu aujourd'hui. Dionne Warwick, protégée et muse par excellence de Burt Bacharach, qui va certainement être celle qui va le plus souvent interpréter ses compositions. Et on l'a entendu ici en 1964 avec l'excellente Anyone Who Had a Heart, qui suivait elle-même quelque chose de tout à fait récent qu'une amie m'a fait connaître, Rose-Hélène Messier-Jean, pour ne pas la nommer, autrice, compositrice de grand talent, qui a fait d'ailleurs une belle version de cette chanson-là, qu'elle m'a envoyé l'autre jour, un cover. On pourrait peut-être poster ça, d'ailleurs, sur le groupe Méloman. On a entendu le Québécois Valence avec une très belle chanson de 2019 qui s'appelle Sophie. Et sinon, ben, des géants, mais avec des pièces un peu moins connues, des petits bijoux qu'on peut juste découvrir en fouillant dans leurs albums respectifs et ou en écoutant Méloman, bien sûr. On a entendu nul autre que Sir Elton John avec Counting Down in Time, tiré d'un magnifique album du nom de Tumbleweed Connection, paru en 1970, et qui suivait All Dead, All Dead de Queen, en 1977, album News of the World, magnifique chanson qui, exceptionnellement, n'est pas chantée par Freddie Mercury, mais bien par Brian May, guitariste, compositeur, astrophysicien, et j'en passe. On pouvait quand même entendre Freddie dans les chœurs omniprésents chez Queen, bien sûr. Et nous, ben, on se dirige vers un dernier petit bloc pour la soirée, encore une fois, qui ressemble à rien de ce qu'on a entendu ce soir. Parce que tout ça se passe à Meloman, au 99.1 et 88.9 CFNJ. I'm daddy's girl. She loves snake and sand, killer eagle's nest. She has lost control, they are growing up. She will hide in silence, then her day will come. It's not for me to say you love me. It's not for me to say you'll always care. I can see this is heaven, and speaking just for me, it's ours to share. Perhaps the glory day, or we may never meet again, but then it's not for me to say. Just for me, it's ours to share. Perhaps the glow of love will grow with every passing day, or we may never meet again. It's not for me to say. Au 99.1 et 88.9 CFNJ, c'est Mélomanes avec Mathieu Lajoie. Chissà dove sarà

À quand un mélomane classique, je vous le demande. Et sinon, ben, on a aussi entendu un magnifique classique des années 50 en la personne de Johnny Mathis et sa voix mielleuse sur It's Not For Me To Say de 1957, qui suivait de manière tout à fait illégale le punk d'horreur des Misfits, époque originale Glenn Danzig, s'il vous plaît. On était en 1978 avec la pièce She, version CI Recording pour les puristes. Chose qui suivait en pleine Britpop 1997, Blur avec Beetle Bomb. Et c'est ce qui nous mène, c'est ce qui me mène plutôt, à vous souhaiter une bonne semaine jusqu'à notre rendez-vous mercredi prochain dès 20h pour un autre Mélomane. Le tout en vous laissant sur une reprise des Supremes par Vanilla Fudge en 1967. Tout ça au 99.1 et 88.9 CFNJ. nothing I can do about it.